Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le discours pacifiste d'avant-guerre d'Adolf Hitler. Lorsqu'un groupe d'États présente ses propres armements comme le rameau d'olivier de la paix et l'armement des autres comme la queue du diable, plus rien ne va. Un tank est un tank et une bombe est une bombe. Adolf Hitler devant le Reichstag, le Parlement allemand, le 21 mai 1935. Cet extrait est assez typique du discours qu'Hitler va tenir avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet extrait, le Führer peut avoir l'air de dénoncer le processus de désarmement dans lequel sont engagés ses voisins. En même temps, ce discours-là peut aussi être compris comme un appel au réarmement de cette Allemagne si affaiblie par le traité de Versailles de l'après-Grande Guerre. Cette habile ambiguïté du discours d'Hitler, qui invoque la paix pour mieux préparer la guerre, va atteindre peut-être son paroxysme dans une entrevue désormais historique qu'il accorde au journal Paris Soir le 26 janvier 1936 et dont le titre est « Hitler vous parle ». This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. Ce matin, j'ai eu un autre entretien avec le chancelier allemand Hitler et voici le document que nous avons tous les deux signé. His name upon it as well as mine. We, the German Führer and Chancellor. Nous, le Führer et chancelier allemand et le premier ministre britannique, après notre rencontre d'aujourd'hui, sommes d'accord pour reconnaître que la question des relations anglo-allemandes est de première importance pour nos deux pays et pour l'Europe entière. Nous concevons l'accord signé la nuit dernière et l'accord naval anglo-allemand comme les symboles de la volonté de nos deux peuples de ne plus jamais entrer en guerre l'un contre l'autre. Never to go to war with one another again. Le premier ministre britannique Arthur Neville Chamberlain, le 30 septembre 1938, à la suite de la signature d'un traité de non-agression entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, pour nous rappeler ce contexte bien particulier qui a précédé le début de la Seconde Guerre mondiale, un contexte où l'Angleterre, la France, entre autres, refusaient de voir qu'Hitler préparait la guerre en tenant un discours de paix. Je reçois Karl Bouchard, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Karl Bouchard, bonjour. Bonjour. Et pour illustrer cette stratégie habile d'Hitler de parler de paix en préparant la guerre. J'ai choisi, Karl, de revenir sur la publication en 1936 d'une entrevue qu'accorde Hitler au Paris Soir. Pourquoi, en quoi cette entrevue de 1936 est révélatrice du contexte de l'époque? Ouais. Ben déjà, c'est intéressant aussi. En préparant l'émission, je me disais, est-ce qu'on va parler de façon plus générale de cette question-là? Et c'est intéressant de faire une étude de source, c'est-à-dire de se pencher sur des propos exacts et une entrevue. Donc déjà, on peut l'analyser. Parce que le discours, ça, on aurait pu choisir plein d'extraits. Mais il y a cette entrevue qui est vraiment devenue historique. Elle est devenue historique parce que c'est très rare qu'Hitler s'adresse à des journaux étrangers de façon précise. Là, c'est un journal français, un journal de grand tirage, donc il va être forcément lu. On est en 1936 et nous, évidemment, on a notre recul historique. Ouais. Moi, j'aime bien ramener les gens à leur époque, à l'époque historique et leur dire, on ne sait pas ce qui se passe par la suite. Ouais. Donc, on va regarder ça un peu, on va faire un peu de manœuvre d'immersion puis s'amener, revenir dans les années 30 et dire, nous, on ne sait pas là qu'il y a une guerre dans 3 ans qui va se déclencher. On n'est pas sûr encore de la politique hitlérienne. Et cet article-là est intéressant parce qu'il condense en quelques paragraphes le souffle qui est à la fois chaud et froid d'Hitler, c'est-à-dire à une politique internationale qui va devenir de plus en plus agressive, puis en même temps des paroles de paix qui vont servir à apaiser les Européens et puis à convaincre ceux qui ont juste besoin d'être convaincus que la guerre ne doit pas éclater. Donc, que nous dit, c'est ça qu'on va faire presque de l'analyse de texte dans les minutes qui viennent, que nous dit cette entrevue d'abord sur le contexte de l'époque, mais avec ce souci qui est toujours le vôtre de dire, et si nous avions lu ça en 1936? Exactement. Si on lit vraiment ce qu'Hitler dit, comment on aurait décodé ce qu'il nous dit? Et on va voir que c'est très habile, effectivement. Il y a une grande habileté, puis on peut se dire, il y a des gens qui, effectivement, ont dû être convaincus par cette parole. Les membres du nouveau ministère, à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné, se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Monsieur von Papen, désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich en Prusse. M. Alfred Hugenberg a reçu le portefeuille du ministère de l'économie et de l'alimentation. Voici M. Göring, président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur prussien. Extrait d'un film français d'actualité qui date de janvier 1933, au moment où Hitler vient d'accéder à la chancellerie. Rappelez-nous peut-être d'abord, Karl Bouchard, où en est Hitler, où en est l'Allemagne également. Revenons en 1936, ouais. Au moment de la publication de cet article. Où en est Hitler et l'Allemagne à ce moment-là? Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un peu... Il y a deux temps, en fait, dans cette stratégie-là. La première, bon, on le sait, Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933. Sa première stratégie, c'est de noyauter l'intérieur du pays. Donc, c'est une stratégie intérieure. C'est ce que l'historien vont appeler la mise au pas de la société allemande. Alors, comment faire? Bien, c'est différentes étapes. À la fin de 1934, même en 1933, les partis politiques sont interdits, sauf le Parti national-socialiste. L'incendie du Reichstag permet de pourchasser les communistes. Donc, on se retrouve, en fait, à la fin 1934, tout l'appareil politique est noyauté. Ensuite, on va s'intéresser aux autres pans, société, culture, économie. Donc, de plus en plus, s'organiser pour que l'ensemble de la société allemande soit soumise au pouvoir hitlérien. Les mesures anti-juives vont commencer en 1935. Donc, dans un premier temps, on travaille à l'intérieur. Et quand Hitler travaille à l'intérieur, bien, c'est là qu'il est le plus calme au niveau international. Ouais. Cela dit, il y a quand même certaines actions posées qui peuvent déjà commencer à inquiéter. La première, c'est de refuser, en fait, de continuer à participer à la Conférence générale sur le désarmement, ouais. Peut-être qu'on y reviendra, qui est ouverte en 1932, c'est de quitter la SDN par la suite. Donc, des gestes qui commencent à montrer que l'Allemagne ne suivra plus... Et qui sont plus visibles, parce que là, on parle de politique extérieure. Exactement. Là, on est en politique extérieure, ouais. À partir de 1933, mais qui commence à montrer que l'Allemagne ne suivra plus le trajet qu'elle suit depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il est en train de changer peu à peu la direction de la politique étrangère allemande. Mais très doucement dans un premier temps. Ouais, avec on quitte la conférence de désarmement, ouais. On quitte la Société des Nations, ouais. On refuse, on commence à remettre en cause, au fond, le traité de Versailles. Exactement, l'ordre de Versailles. Les réparations financières, ouais. Hitler va décider que c'est fini aussi. Oui, on le fait parce que, et comment on le justifie? Bien, pour Hitler, c'est que tout ça, ce sont des mesures qui sont iniques. Des mesures d'injustice. Et pour Hitler, tout ce discours, c'est de dire, ben écoutez, on doit ramener l'Allemagne dans le giron international, ouais. Cesser de la placer dans un état d'infériorité perpétuelle. Et selon lui, le traité de Versailles fait ça. Ouais. Par exemple, pour la conférence sur le désarmement, il va dire, écoutez, depuis la fin de la guerre, que se passe-t-il? Eh bien, tout le monde a dit qu'il fallait désarmer, mais que se passe-t-il? Il y a juste l'Allemagne qui a désarmé. Ouais. De deux choses l'une, soit vous nous permettez de nous réarmer, soit tout le monde désarme. Ouais. Alors, tout le monde est un peu pris au dépourvu parce qu'il exploite, dans une certaine mesure, les contradictions de l'ordre qui a été mis en place. Il remet en question le traité de Versailles. Absolument. On en a déjà parlé, mais avec cette stratégie politique, la carte de l'humiliation, ça, ouais. Ça marche. Il parle aux Allemands d'abord et avant Exactement. Tout, évidemment. Avant tout, il parle aux Allemands, et surtout dans cette première période, et constamment en train de dire aux Allemands, je suis en train de travailler pour vous. Je suis en train de ramener l'honneur de l'Allemagne sur la scène internationale, ouais. Parce qu'on a été humilié par Versailles. On sait que le fameux diktat là, est devenu un levier de mobilisation très fort en Allemagne, ouais. Même si les historiens aujourd'hui le savent bien, c'était pas si humiliant que ça, le traité de Versailles, mais c'est une perception qui est très forte. Il en abuse de cette carte-là. Évidemment, tout ça est réfléchi, puis on se rapproche un petit peu de notre entrevue de 1936, on n'y vient, ouais. Pas tout de suite, mais cet argumentaire-là d'Hitler, il repose sur une stratégie mûrement réfléchie. On écoute Yves Brossard, un professeur d'histoire de relations internationales de l'UQAM à l'époque. Il parle de tout ça à l'émission Au fil du temps en 1989. Et c'est le spécialiste, je dirais, de la stratégie, ou plutôt de l'approche indirecte qu'il porte, à mon avis, à un très haut degré de perfection, de 1933 à 1941. Pour Hitler, bien, la bonne stratégie, c'est celle qui utilise la force armée comme dernier recours, c'est-à-dire quand les autres moyens diplomatiques, les moyens fournis par la propagande, les moyens de pression économique, quand tous ces moyens-là donc se sont révélés infructueux. Alors, à titre d'exemple, bien, Hitler disait « Pourquoi utiliserais-je les moyens militaires pour neutraliser l'ennemi ?» si je peux obtenir ce résultat beaucoup mieux et beaucoup plus économiquement par d'autres moyens. Donc, la stratégie d'approche indirecte telle que pratiquée par Hitler, bien, consiste à détruire l'ennemi de l'intérieur, d'arracher la capitulation, sans livrer une seule bataille. C'est intéressant ce que disent Brossard, Carl Bouchard, parce qu'il y a bien sûr, puis là on revient vraiment au cœur du sujet de l'émission, cette stratégie où Hitler a un discours de paix en préparant la guerre pour berner au fond les pays d'Europe, France, Royaume-Uni au premier chef. Il y a ça, mais il y a plus que ça. Il y a vraiment, et c'est du gros bon sens pour lui, tant que je peux les berner et tant que je peux gagner des territoires, parce que ça va être ça, sans utiliser les armes, c'est mon objectif. Oui, exactement. Puis comme le disait Brossard dans l'extrait, il utilise dans une certaine mesure, il affaiblit dans une certaine mesure ses rivaux. Pourquoi? Ben parce qu'il y a quand même dans l'Europe de l'entre-deux-guerres des gens qui ne veulent pas la guerre. Exactement. Donc, pour qui la paix est le fin mot de la politique. Et donc, on doit absolument tout faire pour éviter. Donc, ce que dit Hitler, malgré tout, recueille un certain écho favorable. Et pas forcément à l'extrême droite. On a toujours l'impression que c'est que les plus agressifs qui vont aimer Hitler. Mais non, les gens vont dire, mais dans le fond, il a peut-être raison. Ce serait peut-être le temps de remettre en cause l'ordre de Versailles. Il y a beaucoup de Britanniques qui vont dire la même chose. Qui vont dire, nous, on craint autant l'impérialisme des Français que l'impérialisme des Allemands. Et puis, c'est vrai que l'Allemagne est dans un état d'infériorité. Il est temps, donc, au nom de la réconciliation. Les populations. C'est la gauche bien-pensante qui va dire, il a raison, on est trop dur à l'endroit de l'Allemagne. Tout à fait. Ça ferait son chemin, ça. Ça fait son chemin peu à peu. Puis on dit, ben, dans le fond, par exemple, le fameux article 231 du traité de Versailles qui dit que l'Allemagne est responsable de la guerre, ben, il y a beaucoup de gens, qu'on va appeler les révisionnistes dans l'historiographie, beaucoup de gens qui disent, ben non, il faut qu'on remette ça en cause. Tant qu'on dit que l'Allemagne est responsable de la guerre, ben, on freine la réconciliation. Ouais. Si on veut vraiment se rapprocher, il faut que l'Allemagne redevienne un État comme les autres, donc que l'ordre de Versailles soit mis en question. En même temps, il y a des gens qui voient bien ce qu'Hitler est en train de faire, parce qu'il y a des indices quand même, et qui se disent, ce gars-là est belliqueux, c'est un guerrier là, qui nous parle de paix. Qui sont ceux qui ont ce regard plus critique? Oui, ouais, une certaine lucidité en fait sur ça. Ben, en fait, ce qui frappe en premier lieu, c'est que ce sont souvent les communistes dans les années 30 qui ont ce regard. Dès 1933, Trotsky écrit un texte formidable qui s'appelle « Hitler veut la paix » avec trois petits points, justement, où là, il montre bien à travers une très, très grande ironie le jeu d'Hitler. Et je le cite, il va dire: le chancelier du Reich a déjà réussi à convaincre plusieurs journalistes étrangers de son absolue sincérité concernant la paix. Et puis se moque en disant, vous allez voir bientôt, Hitler, après avoir sorti un ouvrage qui s'appelle « Mon combat », va en sortir un qui s'appelle « Ma paix ». Ouais. Donc, pour bien montrer que, dans le fond, il ne faut pas être dupe de ce discours-là. Ouais. Bon, revenons à ce fameux article, à cette entrevue qu'accorde Hitler au Paris Soir en janvier 1936. D'abord, dans quel contexte est organisée cette entrevue-là? Pourquoi le journal veut cette entrevue? Pourquoi Hitler accepte de donner cette entrevue-là? Oui, absolument. Ben, on est dans un contexte assez intéressant. C'était en janvier 1936. Une année auparavant, Hitler a décrété le réarmement de l'Allemagne. Donc, c'est déjà une mesure assez importante. Là, on est en janvier 1936. C'est avant l'annonce de la remilitarisation de la Rhénanie. La Rhénanie, qui était une portion donc, frontalière entre l'Allemagne et la France, qui était démilitarisée depuis la fin du traité de Versailles. Donc, encore une fois, il souffle le chaud, il souffle le froid. Donc, un mois après cette entrevue, il va poser un des gestes les plus fort à l'encontre du traité de Versailles. Et puis, un mois auparavant, ben, il est en train de parler de paix dans cette entrevue. Donc, pour lui, c'est très intéressant. C'est une façon, donc, de préparer son action internationale et donc de monter son argumentaire. Le journal, lui, le journal Paris Soir, c'est un journal, donc, à grand tirage, un quotidien, qui est très anticommuniste et aimerait un rapprochement franco-allemand contre le communisme. Et donc, faire parler Hitler, c'est aussi... Il y a aussi derrière ça, donc, des stratégies politiques et des stratégies idéologiques, en fait, ce qui explique aussi une certaine complaisance dans l'entrevue. On va en parler tout à l'heure. Oui, parce que c'est Elisabeth Sauvy, alias Titaïna, qui va réaliser cette entrevue avec Hitler et qui, effectivement, va être très complaisante dans l'approche qu'elle aura avec le Führer. On écoute d'abord Benoît Emmermann, qui a écrit une biographie à son sujet, en parler de cette journaliste, qui est-elle, à l'émission de Denise Bombardier, Le biographe et sa passion, en 1994. Vous savez, quand on a cette femme-là qui veut toujours avancer et qui, en fait, s'approche de plus en plus du soleil, elle est attirée par ce qui brille, par ce qui dirige le monde, en le fait. Le pouvoir. Le pouvoir. Et qu'est-ce qui dirige le monde à l'époque? Eh bien, il se trouve que les trains arrivent à l'heure en Italie, il se trouve qu'en Allemagne, il y a des autoroutes, c'est des pays qui marchent avec le doigt sur la couture, et ça l'intrigue. Elle n'est pas très lucide, c'est-à-dire que d'autres avaient peut-être plus de recul qu'elle sur les choses, elle est trop le nez sur la vitre, elle ne se rend peut-être pas très bien compte de ce qui se passe. Mais elle n'est pas politique, si c'est le pouvoir qui l'attire, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Elle n'est pas politique, mais je pense qu'effectivement, je crois qu'Hitler, par exemple, l'a assez fascinée. Quand on relit le texte qu'elle a fait dans Paris Soir, c'est pas d'une très grande lucidité. Effectivement, d'autres, à la même époque, font les mêmes erreurs qu'elle, mais il se trouve que c'est des dénommés Chateaubriand, etc., tous ceux qui ont collaboré après, pendant la guerre. Il y en a d'autres qui ont été un peu plus lucides ou qui ont refusé d'y aller. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont refusé d'y aller. Alors, parlez-nous un peu de cette Elisabeth Sauvy, alias Titaïna, Karl Bouchard, et du ton qu'elle va avoir au cours de cette entrevue avec Hitler. Le fait même qu'il soit interviewé par une femme est déjà assez fascinant pour l'époque. Titaïna, c'est une des seuls grands reporters de l'époque, qui est très connue justement pour ses entrevues avec les grands de ce monde. Et puis Elle les collectionne, exactement. Ouais. L'extrait le montre bien. Elle a un intérêt pour ce monde, pour le pouvoir. Elle a le nez sur la vitre, comme il l'a dit dans l'extrait. Et puis, c'est fascinant dès le départ de voir comment elle est d'emblée curieuse et presque envoûtée par le personnage. Et puis, elle va dès l'introduction, écrire un des lieux communs par rapport à Hitler, c'est-à-dire le regard, les yeux bleus pénétrants. Ouais. Et puis, elle dit, je comprends pourquoi il peut exercer une telle séduction sur les foules. Donc, tout de suite, elle nous place dans un contexte où on est en état, en fait, d'admiration face à Hitler, d'éloge face à Hitler. Donc, il y a tout de suite, là, dès les premières phrases de cette entrevue, quelque chose qui nous trouble et qui montre justement qu'elle elle ne va pas le confronter dans cette entité. Non seulement elle ne le confronte pas, mais parfois elle lui offre, avec certaines questions, plateau, pour en parler, mais elle lui tend des perches extraordinaires. Absolument. Bon, parlons-en de l'entrevue. Qu'est-ce qu'il dit, Claire, on y arrive. C'est assez fascinant parce qu'en fait, c'est elle qui commence par parler du pacifisme. Ouais. C'est elle qui dit à Hitler, « on dit que vous avez une politique pacifiste. » Et la réponse d'Hitler est formidable. Alors, je le cite, il dit, « Il y a deux sens au mot pacifisme. Il n'a pas la même valeur en France que chez nous. Nous ne pouvons reconnaître un pacifisme qui signifierait un arrêt du droit de vivre. Pour nous, le pacifisme ne peut s'établir que sur la notion humaine que chaque peuple a le droit de vivre. Je dis vivre, non de végéter. Qui veut établir la paix doit connaître d'abord le droit des peuples. » Cela dit, il n'y a pas un Allemand qui désire la guerre. La dernière nous a coûté 2 millions d'hommes, nous a laissé 7,5 millions de mutilés et de malades. Même si nous avions été vainqueurs, aucune victoire ne valait d'être payée à ce prix-là. Ouais. Alors déjà, d'emblée, il y a une phrase formidable, en fait, une capacité argumentative qui est vraiment extrêmement habile. Premièrement, en évoquant le souvenir de la guerre. Donc, il est en train de créer, dans ce cas-ci, une fraternité franco-allemande, en disant, mais même si on avait été vainqueur, donc il est en train de parler aux Français, aucune guerre valait la peine de cette perte. Donc, tout de suite, il y a ce rapprochement. Il fait équivaloir aussi l'idée de la paix à la justice. C'est-à-dire que pour lui, la paix, c'est quoi? C'est la fin de l'humiliation, la fin de l'injustice. Donc, on revient à cette stratégie-là de l'humiliation du traité de Versailles. Exactement. Et troisième point, il évoque l'idée de l'autodétermination des peuples. Donc, l'autodétermination des peuples, c'est un des arguments les plus forts qu'on évoque depuis la fin de la Première Guerre mondiale, qui serait en faveur de la paix plus anti-impérialiste. Donc, plus les peuples sont entre eux, constituent des États-nations, eh bien, moins ils sont susceptibles d'aller chercher des territoires et de se battre à l'étranger. Ouais. Mais il y a une habileté, évidemment, une habileté rhétorique, mais j'ai l'impression qu'il y a dans cette entrevue, quand on prend vraiment la peine, bien sûr, il y a ce souci. Qu'est-ce qu'on aurait pensé si on avait été en 1936? On a un avantage, on est biaisé. Oui. Mais quand même, avec le biais que j'ai, quand on regarde un peu cette entrevue, on se dit, il y a ce qu'Hitler dit, et il dit pas mal de choses là-dedans. Il parle de supériorité de la race aryenne, allemande. Donc, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'on veut bien entendre. Pour l'œil ou l'oreille avisée, Karl Bouchard, je vous repose la même question. Qu'est-ce qu'il dit vraiment quand on scrute à la loupe ce qui est dit dans cette entrevue-là? Il dit deux choses. Il dit, premièrement, si vous donnez à l'Allemagne le droit de vivre, eh bien, ça va s'arrêter là. On va avoir la paix. Donc, c'est le premier geste. Puis, dans le fond, ça a été toute la politique étrangère d'Hitler jusqu'au déclenchement de la guerre. Et c'est pourquoi il a réussi à récupérer tous ces territoires. La question des Sudètes, par exemple, en Tchécoslovaquie, c'est exactement l'argument d'Hitler. C'est un territoire peuplé d'Allemands. Si vous nous le donnez, on arrête. Ouais. Donc, récupérer comme ça ces différents territoires. Mais effectivement, vous avez raison. En même temps, même si le champ lexical du texte est complètement inondé par l'idée de la justice, de la paix, il y a quand même une politique agressive. Et ça, c'est extraordinaire. À un moment donné, la journaliste dit au chancelier président à l'époque, elle dit, mais la démographie allemande est galopante, vous allez avoir besoin d'espace, et là, si vous faites de l'espace, que se passe-t-il? Vous allez faire la guerre. Et là, Hitler lui répond quelque chose de magistral, parce que là, il y a un croisement entre son discours et puis l'idéologie nazie. Ouais. Et là, la supériorité raciale revient. Je le cite encore. « L'humanité comprend des peuples plus ou moins doués. Parmi ceux que les qualités devraient favoriser, il en est dont l'existence matérielle est restreinte, tandis que d'autres, plus primitifs, ont à leur disposition de vastes territoires non exploités. Je place parmi les premiers les peuples européens. À ce point de vue, je pense que nous, Européens, nous constituons une famille parfois divisée, mais unie quand même par un intérêt commun. » Donc, il est en train de soutenir une politique coloniale, impérialiste, ouais. Pour l'Allemagne, mais a dit, nous, Européens, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et c'est ça que font les Français, c'est ça que font les Britanniques. Alors, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et pour Hitler, aller conquérir des territoires de peuples primitifs, et là, il vise bien l'Est de l'Europe, et notamment les peuples slaves, c'est tout à fait typique de la race européenne qui est supérieure et qui a droit de civiliser. Ce qui est habile, c'est que les Français, les Britanniques, en tout cas beaucoup d'entre eux qui lisent cette entrevue, sont d'accord avec ça. Exactement, ils sont d'accord, et puis ils les confortent dans leur sentiment de supériorité. Là, il ne va pas sortir sa hiérarchie raciale développée dans Mon Combat, par exemple, mais en même temps, il va flatter le sentiment de supériorité des Européens. Parler de Trotsky, on y revient parce que vous avez donné deux citations intéressantes de cette entrevue d'Hitler en 1936. Il y en a une au moins qui vaut le détour chez Trotsky, qui lui voit clair dans le jeu d'Hitler. Exactement. C'est une conclusion de très grande force dans son texte. Trotsky dit « N'effrayez personne, n'irritez personne. Au contraire, ouvrir grand les bras. Hitler est prêt à couvrir les murs des usines de guerre de discours pacifistes et de pactes de non-agression. S'il faut une formule claire, simple, non diplomatique de l'offensive pacifiste est celle-ci. Hitler doit à tout prix éviter une guerre préventive de la part de ses adversaires. Dans ses limites, son pacifisme est tout à fait sincère, mais dans ses limites seulement. Ouais. » Et donc, il y a là quelque chose d'assez fort aussi sur cette idée d'une politique pacifiste, mais simplement à des fins, à d'autres fins politiques. À partir de quand Hitler va laisser tomber le masque ouais, dévoiler sa vraie nature, en fait? C'est clair qu'à partir de l'affaire des Sudètes, de la Tchécoslovaquie, de la conférence de Munich, lorsque, quelques mois après la conférence de Munich, Hitler va annexer la Tchécoslovaquie, on sait bien que c'est terminé à ce moment-là. Donc là, 38, je pense printemps 38, il n'y a plus vraiment personne qui imagine, à part les plus illuminés, que Hitler veut effectivement la paix. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier de l'émission, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.